La Kneipe, on pourrait l'appeler une des assises de la société. Elle sera très calme ou très bruyante, suivant sa composition. Un étudiant invite une douzaine ou une centaine de ses camarades au café et les pourvoit de bière et de cigares à bon marché, autant qu'ils en peuvent avaler ou fumer. Le Corps peut aussi lancer des invitations. Ici, comme partout, on remarque le goût allemand pour la discipline et l'ordre. Lorsqu'entre un convive, tous ceux qui sont assis autour de la table se lèvent et saluent, les talons joints. Quand la table est au complet, on élit un président qui est chargé d'indiquer le numéro des chansons. On trouve sur la table des recueils imprimés de ces chansons, un pour deux convives. Le président annonce « numéro 24, premier vers ». Et aussitôt, tous commencent à chanter, chaque couple tenant son livre, exactement comme on tient à deux un livre d'hymnes à l'église. À la fin de chaque vers, on observe une pause, jusqu'à ce que le président fasse commencer le suivant. Tout Allemand ayant appris le solfège, et la plupart jouissant d'une belle voix, l'effet d'ensemble est impressionnant. Si les attitudes évoquent le chant des hymnes religieuses, les paroles de ces chansons redressent souvent cette impression. Mais qu'il s'agisse d'un chant patriotique, d'une ballade sentimentale ou d'un refrain qui choquerait la plupart des jeunes Anglais, on le chante toujours d'un bout à l'autre avec un sérieux imperturbable, sans un sourire, sans une fausse note. À la fin, le président crie « Prosit !» Tout le monde répond « Prosit !» Et le moment d'après, tous les vers sont vides. Le pianiste se lève et salue, et on répond à son salut. Puis la Fraulein remplit les vers. Entre les chants, on porte des toasts à la ronde, mais on applaudit peu et on rit encore moins. Les étudiants allemands trouvent préférable de sourire et d'opiner du bonnet d'un air grave. On honore parfois certains convives en leur portant un toast particulier appelé « Salamander », qui comporte une solennité exceptionnelle. « Nous allons, dit le président, frotter une salamandre, einen Salamanderreiben. Nous nous levons tous et nous nous tenons comme un régiment au garde à vous. Est-ce que tout est prêt? Sind die Stoffe parat ? » interroge le président. « Sunt !» répondons-nous d'une seule voix. « At ?» « Exertitium salamandri, » dit le président. « Et nous nous tenons prêts. »« Ens !» nous frottons nos verres d'un mouvement circulaire sur la table. « Zwei !» De nouveau, les verres tournent. De même à « Drei !»« Bibite !» Buvez ! Et avec un ensemble automatique, tous les verres sont vidés et maintenus en l'air. « Ens !» dit le président. Le pied de chaque verre vide frôle la table avec un bruit de galet roulé par la vague. Zwei, le roulement reprend et meurt. Drei, les verres frappent la table tous du même coup et nous nous retrouvons assis. La distraction de la Kneipe consiste pour deux étudiants à s'invectiver, naturellement pour rire, et à se provoquer ensuite en un duel à boire. On désigne un arbitre, on remplit deux verres énormes et les hommes se font face, tenant les anses à pleine main. Tout le monde les regarde. L'arbitre donne le signal du départ et l'instant d'après, on entend la bière descendre rapide les pentes de leur gosier. L'homme qui heurte le premier la table de son verre vide est proclamé vainqueur. Les étrangers qui prennent part à une Kneipe et qui désirent se comporter à la manière allemande feront bien avant de commencer d'épingler leur nom et adresse sur leur veston. L'étudiant allemand est la courtoisie personnifiée. Et quel que puisse être son propre état, il veillera à ce que, par un moyen ou un autre, ses hôtes soient reconduits chez eux, sains et saufs, avant l'aurore. Mais naturellement, on ne saurait lui demander de se rappeler les adresses. On me raconta l'histoire de trois hôtes d'une Kneipe berlinoise qui auraient pu avoir des résultats tragiques. Nos étrangers étaient d'accord pour pousser les choses à fond. Chacun d'eux écrivit son adresse sur sa carte et l'épingla sur la nappe en face de sa place. Ce fut une faute. Ils auraient dû, comme je l'ai dit, l'épingler à leur veston. Un homme peut changer de place à table, même inconsciemment, et réapparaître de l'autre côté. Mais partout où il va, il emmène son veston. Sur le matin, le président proposa que pour la plus grande commodité de ceux qui se tenaient encore droits, on renvoya chez eux tous les messieurs qui se montraient incapables de soulever leur tête de la table. Parmi ceux qui ne s'intéressaient plus aux événements étaient nos trois Anglais. On décida de les charger dans un fiacre et de les renvoyer chez eux sous la surveillance d'un étudiant relativement de sang-froid. S'ils étaient restés à leur place initiale pendant toute la soirée, tout se serait passé au mieux. Mais malheureusement, ils s'étaient promenés, et personne ne sut quel était le propriétaire de telle ou telle carte. Nul ne le savait, et eux moins que personne. Dans la gaieté générale, cela ne sembla pas devoir être d'une trop grande importance. Il y avait 3 gentlemen et 3 adresses. Je crois qu'on pensait que même en cas d'erreur, le tri pourrait s'opérer dans la matinée. On mit donc les 3 messieurs dans une voiture. L'étudiant, relativement de sang-froid, prit les 3 cartes et ils s'en allèrent, salués des acclamations et des bons vœux de la compagnie. Pour avoir bu de la bière allemande, on n'est pas, et c'est son avantage, gris comme on sait l'être en Angleterre. Son ivresse n'a rien de répugnant, elle ne fait qu'alourdir. On n'a pas envie de parler, on veut avoir la paix pour dormir n'importe où. Le conducteur de la troupe fit arrêter la voiture à l'adresse la plus proche. Il en tira le plus atteint, jugeant naturel de se débarrasser d'abord de celui-là. Aidé du cocher, il le porta jusqu'à son étage et sonna. Le domestique de la pension de famille vint ouvrir à moitié endormi. Ils firent entrer leur charge et cherchèrent une place où la déposer. La porte d'une chambre à coucher était ouverte, la chambre était vide, quelle belle occasion! Ils le mirent là. Ils le débarrassèrent de tout ce qui pouvait être retiré facilement, puis le couchèrent dans le lit. Cela fait, les 2 hommes, satisfaits, retournèrent à la voiture. À la suivante adresse, ils s'arrêtèrent de nouveau. Cette fois, en réponse à leur sonnerie, apparut une dame en robe de chambre avec un livre à la main. L'étudiant allemand, ayant lu la première des 2 cartes qu'il tenait, demanda s'il avait le plaisir de s'adresser à Madame Y. Et en l'occasion, le plaisir, s'il y en avait, paraissait bien être entièrement de son côté. Il expliqua à Frau Y que le monsieur qui, pour le moment, ronflait contre le mur était son mari. Cette nouvelle ne provoqua chez elle aucun enthousiasme. Elle ouvrit simplement la porte de la chambre à coucher, puis s'en fut. Le cocher et l'étudiant rentrèrent le patient et le couchèrent sur le lit. Ils ne se donnèrent pas la peine de le déshabiller, ils se sentaient trop fatigués. Ils n'aperçurent plus la maîtresse de maison et pour ce motif se retirèrent sans prendre congé. La dernière carte était celle d'un célibataire descendu à l'hôtel. Ils emmenèrent donc leur dernier voyageur à cet hôtel, en firent livraison au portier de nuit et le quittèrent. Or, voici ce qui s'était passé à l'endroit où l'on avait effectué le premier déchargement. Quelques 8 heures auparavant, M. X avait dit à Mme X « Je crois, ma chérie, vous avoir dit que je suis invitée ce soir à prendre part à ce qu'on appelle une knépée. Vous avez en effet parlé de quelque chose de ce genre, » répliqua Mme X. « Qu'est-ce que c'est qu'une knépée ?»« Eh bien, ma chérie, c'est une sorte de réunion de célibataires où les étudiants se rendent pour bavarder et chanter et fumer et pour toutes sortes d'autres choses, comprenez-vous ?» « Bon, j'espère que vous allez bien vous amuser, » dit Madame X, qui était aimable et d'esprit large. « Ce sera intéressant, » observa Monsieur X. « Voilà longtemps que je désirais y assister. Il se peut, il est fort possible, que je rentre un peu tard. « Qu'entendez-vous par tard ?»« C'est assez difficile à dire. Vous comprenez, ces étudiants sont en soi peu turbulents lorsqu'ils se réunissent. Et puis, j'ai tout lieu de croire qu'on portera un certain nombre de toasts. Je ne sais comment je m'y plairai. Si j'en trouve le moyen, je les quitterai de bonne heure, mais à la condition que je le puisse sans les froisser. Si je ne peux pas... » Vous devriez emprunter un passe-partout aux gens de la maison, conseilla Madame X, qui, ainsi que j'ai déjà dit, était une femme raisonnable. Je coucherai avec Dolly, si bien que vous ne me dérangerez pas, quelle que soit l'heure de votre retour. C'est une excellente idée, acquiesça Monsieur X. J'ai horreur de vous déranger. Je rentrerai sans bruit et me glisserai dans le lit. À un certain moment, au milieu de la nuit, peut-être déjà vers le matin, Dolly, la sœur de Madame X, se réveilla et prêta l'oreille. « Jenny, dit-elle, as-tu entendu ?»« Oui, chérie, répondit Madame X, ça va bien, rendors-toi. »« Mais qu'est-ce qu'il y a? Ne crois-tu pas que c'est le feu ?»« Je pense que c'est Percy. Je suppose que dans l'obscurité, il aura trébuché sur un objet quelconque. Ne t'inquiète pas, ma chérie, rendors-toi. » Mais sitôt que Dolly se fut assoupie, Madame X, qui était une bonne épouse, pensa qu'elle devrait se lever doucement pour voir si Percy allait bien. En filant son peignoir et chaussant ses pantoufles, elle se glissa par le couloir jusqu'à sa propre chambre. Il aurait fallu un tremblement de terre pour réveiller le monsieur qui reposait sur le lit. Elle alluma une bougie et s'en approcha avec précaution. Ce n'était pas Percy. Ce n'était même pas quelqu'un qui lui ressemblât. Elle eut la sensation que ce n'était pas le genre d'homme qu'elle aurait jamais choisi pour mari, jamais, en aucune circonstance, et dans l'état où il se trouvait actuellement, il lui inspirait même une aversion prononcée. Elle n'eut qu'un désir, se débarrasser de l'intrus. Mais il avait un je ne sais quel air qui lui rappelait quelqu'un. Elle s'approcha davantage et le considéra de plus près. Ses souvenirs se précisèrent, ce devait sûrement être M. Y, un monsieur chez qui Percy et elle avaient dîné le jour de leur arrivée à Berlin. Qu'est-ce qu'il venait faire là ? Elle posa la bougie sur la table, prit sa tête entre ses mains et se mit à réfléchir. Le jour se fit vivement dans son esprit. Percy était allé à la Kneipe avec ce même M. Y. Une erreur avait été commise, on avait ramené M. Y à l'adresse de Percy. Donc Percy, à ce moment... Les éventualités terribles que cette situation comportait se présentèrent à son esprit. Retournant à la chambre de Dolly, elle se rhabilla à la hâte et descendit en silence. Elle trouva heureusement une voiture et se fit conduire chez Madame Y. Disant au cocher d'attendre, elle vola jusqu'à l'étage supérieur et sonna avec insistance. La porte fut ouverte comme auparavant par Madame Y, toujours vêtue de son peignoir et tenant toujours son livre à la main. « Madame X !» s'écria Madame Y. « Qu'est-ce qui peut vous amener ici ?»« Mon mari !» C'est tout ce que la pauvre Madame X trouvait à dire pour l'instant. « Est-il ici ?»« Madame X !» répliqua Madame Y en se redressant de toute sa hauteur. « Comment osez-vous ?»« Oh, comprenez-moi bien !» s'excusa Madame X. « C'est une erreur épouvantable. Ils ont dû apporter mon pauvre Percy ici au lieu de le conduire chez nous, sûrement. Allez voir, je vous en prie. »« Ma chère !» répondit Madame Y, qui était beaucoup plus âgée et plus posée. « Ne vous énervez pas. Il y a une demi-heure qu'ils l'ont apporté ici, et pour vous dire la vérité, je ne l'ai pas regardé. Il est là-dedans. Je ne crois pas qu'il se soit même donné la peine de lui ôter ses chaussures. Si vous restez calme, nous le descendrons et le rentrerons sans qu'âme qui vive entende mot de cette affaire. » En vérité, Madame Y semblait très empressée à venir en aide à Madame X. Elle poussa la porte, Madame X entra, mais pour reparaître aussitôt, pâle et décomposée. « Ce n'est pas Percy, » dit-elle. « Qu'est-ce que je vais faire ?»« Je voudrais bien que vous ne commissiez pas de telles erreurs, » dit Madame Y, se préparant à son tour à pénétrer dans la chambre. Madame X l'arrêta. « Et ce n'est pas non plus votre mari ?»« Allons donc, » riposta Madame Y. « Je vous dis que ce n'est pas lui, je le sais, car je viens de le quitter dormant sur le lit de Percy. »« Mais... » « Comment cela se fait-il » tonna Madame Y. « Ils l'ont apporté là et l'ont déposé, » expliqua Madame X en se mettant à pleurer. « C'est ce qui m'a fait croire que Percy devait être ici. » Les deux femmes se regardaient muettes. Le silence était troublé seulement par le ronflement du monsieur qu'on entendait à travers la porte entrebâillée. « Mais alors qui est là-dedans ? » demanda Madame Y, qui se ressaisit d'abord. « Je ne sais pas. C'est la première fois que je le vois. Croyez-vous que ce soit quelqu'un que vous connaissiez ?» Mais Madame Y se précipitait déjà vers la porte. « Qu'allons-nous faire, mon Dieu ?» dit Madame X. « Je sais ce que moi je vais faire, » dit Madame Y. « Je m'en vais rentrer avec vous et reprendre mon mari. »« Il dort d'un sommeil de plomb, » objecta Madame X. « Je le connais depuis longtemps sous ce jour, » répliqua Madame Y en boutonnant son manteau. « Mais alors où est Percy ?» sanglota la pauvre petite Madame X en descendant les escaliers. « Ça, ma chère, c'est une question que vous pourrez lui poser. S'il commette des erreurs de ce genre, il est impossible de savoir ce qu'ils ont pu faire de lui. »« Nous ferons une enquête demain matin, » dit Madame Y, consolatrice. « Je trouve que ces Kneipes sont pleines de désagréments. Je ne laisserai plus jamais Percy y retourner, jamais, tant que je vivrai. »« Cher ami, si vous comprenez votre devoir, jamais il n'en aura plus envie. » Et le bruit accourut que jamais plus il n'y retourna. Mais... comme je l'ai dit, toute l'erreur provenait de ce que l'on avait épinglé les cartes à la nappe, et non au veston. Et sur cette terre, les erreurs sont toujours punies sévèrement.